Toi, t'aimes ta vie confortable, t'aimes ton job, ton portable, t'aimes ton eau bien potable, t'aimes des choses trop palpables. Tu manges que du végétal, tu penses que t'es pas banal. T'as mis de côté, oui, tous tes idéaux. Tu préfères penser comme la populo. C'est tellement plus simple de profiter des cadeaux offerts par le système pour une poignée d'euros. Tu préfères payer régulièrement tes impôts. T'apprécies cette vie, moi je te tire mon chapeau. Laisse-moi penser qu'il y a peut-être une autre solution. Laisse-moi penser que ce ne sont pas des illusions. Laisse-moi penser autre que ta belle conception. La vérité, c'est le brouillon, c'est le pognon. Laisse-moi penser qu'il y a peut-être une autre solution. Laisse-moi penser que ce ne sont pas des illusions. Laisse-moi penser autre que ta belle conception. La vérité, c'est le pognon, c'est le pognon. Et voilà mec, t'as fait un tube. Une bonne prod à l'américaine. Mais si tu veux faire un truc style Dr. Dre, y'a plus qu'à rajouter des petits trucs genre voilà, comme ça. Allez, encore un petit. C'est du lourd ça. Et maintenant que t'es pété de thunes, tu vas pouvoir payer une bonne ligne de coke. Parce que ce soir, ma poule, c'est discothèque. Ça fait 20 ans que je travaille. Je suis devenu commercial. Je vends à des succursales du vent et des combines bien sales. J'écris adolescent sur mes idées des poèmes. Malheureusement maintenant j'ai plus le temps de changer le système. J'ai plus d'utopie, je serai jamais un accompli. J'ai des excuses, il faut que mon frigo soit rempli. Si on m'avait dit qu'un jour je serais devenu bien pensant, politiquement correct, voire même insignifiant, j'aurais pris mon billet pour l'Inde, le Pakistan, pour vivre mes rêves à fond sans jamais me dire que j'ai le temps. Pardon, hein.